C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessier cherchera encore la crème de la crème à Trois-Rivières. Cindy Gilbert nous fera bouger dans sa chronique Activer votre santé. Et Stéphanie Paradis sauvera avec nous le plus récent numéro du journal Zone Campus. Assemblage requis, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis ce mercredi 29 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et bienvenue à cette émission électrique. Oui, là, je suis tannée, je suis plus capable. À chaque fois que je touche la poignée de porte, je me poigne un choc comme c'est pas possible. Là. Pas juste comme schlick, là. C'est plus comme pataclao. Pataclao! Vous saurez que si jamais, mettons, Stéphanie lâche au cours de la session, l'émission, ce sera pas parce qu'il y a une chicane avec moi, ça va être à cause de la poignée de porte. Moi pis les poignées de porte, là. La poignée de porte. Comme disait Normand Lamour, hein? Oui, on l'a passé au précieux cette semaine, justement. Je sais bien que ça chante ça. Ben oui, c'est évident. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, l'émission, à 8h, on aura Cindy Gilbert et sa chronique Activer votre santé. J'en ai besoin. Elle essaie vraiment de me convaincre. Steph aussi, on dirait que je sens tout le monde contre moi. Sens-tu la pression? Ah oui. Tu la sens bien, la pression. Je la sens beaucoup trop. Et peut-être que ça donnera quelque chose un jour. Donc ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on va faire ça de répondre là, la chronique de gadgets inutiles, comme tous les mercredis. À 9h, dans ces coins-là, toi, Stéphanie Paradis, tu vas nous parler du plus récent sur le campus. Ben oui. Je le vois juste là sur la table, prêt à être lu. Il est beau, hein? C'est comme s'il avait déjà été lu, en fait, par toi, plusieurs fois. Il est quand même un petit peu plus magané que l'autre dans Non, ben ça, c'était le numéro que tout le monde regardait en rentrant dans le bureau, pardon. C'est celui qu'on met sur un petit bâton de bois, là, comme à la bibliothèque. La bibliothèque. Arrive-moi quand je dis bibliothèque. Alexandrine, comment prononces-tu bibliothèque? Je m'excuse, c'est toi qui as commencé à rire de mon accent. Je vais rire de ton bibliothèque. En tant que précieuse, vous pouvez toujours vous fier à mon bon accent international. Alors, on dit bibliothèque. Bibliothèque. Voilà. Tu vois? Tu comprends? C'est pas bibliothèque. C'est comme ça que je le disais avant. On riait de moi, j'ai commencé à dire bibliothèque. Mais oui, mais t'es tellement influençable et naïf. Regarde dans Robert. Robert va te dire comment ça se prononce. Est-ce que c'est un O ouvert ou un O fermé? Est-ce que Robert est un Robert ouvert ou un Robert fermé? Robert. Il est ouvert. Roberto. Robert est toujours ouvert pour toi. Voilà. Et puis, ben, c'est ça. On a plein d'autres choses autour de ça. Évidemment, on va débuter avec Alexandrine dans quelques instants. Sa chronique La Crème de la Crème. Et je vois des verres. C'est un indice. Je vois un sac brun. Là, ça a l'air ivrogne un peu, selon moi. Moi, je vois des pailles. Alors, vous allez toutes voir ça tantôt. Vous allez boire. Faut le boire pour le croire. Boire et boire. Faut-tu la mettre dans le nez, la paille? Non. Okay. Ah ouais, quand la meilleure drogue de Trois-Rivières? Stain School. On débute avec une nouvelle pièce de grenadine. Parlant de choses qu'on peut se mettre dans la bouche, hein, de la grenadine. Hein, c'est l'heure extrait du palmarès. Ça vient d'entrer là, sur le palmarès. Et c'est Bonjour Tristesse. Et qu'est-ce que t'as dit tantôt quand j'ai dit qu'on allait jouer ça? Hey, ça va rocker un matin. Tout le monde est content. Yay! Hey, c'est à moi ça. Fais-moi un yay. Yay! Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'ai appris, je regrette. Mais moi quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Parfois la main.

Est-ce qu'on prend une petite pause avant de commencer ou est-ce que tu veux commencer tout de suite? Parce qu'on n'est pas parlé à l'avance, on vient de rentrer en onde. Est-ce que tu es prête? Ben oui. Une pause avant de commencer. Une fois qu'on prend des pauses. Habituellement, c'est à mi-chemin ou. On n'est pas syndiqué, mais on prend des pauses musicales. Moi, je commence mon chiffre au travail avec une pause. Donc, Cindy, Activez votre santé, c'est ta deuxième chronique cette semaine. On te retrouve aux deux semaines ici à Assemblage Requis et tu écris dans Zone Campus. Oui. De quoi nous parles-tu cette semaine? Ben, un sujet qui va toucher tous les êtres humains. Même que moi. Je regarde vite. Oui! Je regarde tous les êtres humains, puis la personne que je regardais, Mathieu. Je me sens visé. Moi aussi. Oui, un être humain, deux êtres humains. On a quatre êtres humains autour de la table, puis tout le monde est concerné. Je vais vous parler de la procrastination. Oh my God. Oh! Ah! C'est pour ça que je parlais de prendre une pause. Tu n'avais pas compris ma blague. T'as tout planifié, ton affaire. Hein. Thierry jaune. Hein? Moi, c'est ça, t'as pas ça parlé. Il y en a-tu qui savent pas c'est quoi la procrastination? Non, ben non, franchement. En tant qu'étudiant, on sait tous c'est quoi la procrastination. On sait pas comment le dire, mais on sait ce que c'est. T'sais. C'est le fait de reporter à demain ou à plus tard ce qu'on pourrait très, très bien faire aujourd'hui. Demain. Voyons donc, la semaine prochaine. Bon, quand ça donnera? Dans 3-4 ans, je vais m'y mettre. À la veille de la chose qu'on a à remettre. Ah, voilà. Oui. Parce qu'il y a une phrase qui revient comme tellement souvent puis que j'entends tellement souvent que je me suis dit pourquoi ne pas en parler en cette fin du mois de janvier? Les gens disent, moi, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Moi, la j'ai vie pas le passe temps. Tellement vite, pas le temps de faire ça. Et on a-tu pas le temps? Avez-vous le temps, vous autres, dans votre journée? Combien d'heures vous avez dans votre journée, vous autres, pour être sûr que je suis dans le même mode? D'heures occupées ou d'heures libres? Ouais. D'heures au dans total. Votre journée. Oui, un total. Je pense 24. 24, c'est ça. Tout le monde est poigné avec ce chiffre-là. Hein? 24 heures dans une journée. On a toutes 24 heures dans une journée. Puis on a toute une vie. Puis il y en a qui sont étudiants, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants, il y en a les devoirs, les tâches ménagères, tout. On est toutes pognées avec 24 heures dans notre vie, dans notre journée, même si on a toutes ces tâches-là. Il y a une affaire qui peut être le fun à faire. Puis moi, je l'ai écrit ici, là. OK. Ah oui. Là, je le fais avec vous. Mais ça peut être super intéressant de le faire, vous autres aussi, chacun de votre côté. À la maison, c'est la même chose aussi. Vous prenez une feuille de papier. Prenez un crayon qui marche. Idéalement, ça va bien. Merci du conseil. C'est bon. Puis vous écrivez dans votre journée, dans votre 24 heures, ce que vous avez à faire. Puis c'est une belle prise de conscience. Hein? Puis ça vaut 5 minutes d'investissement. Regardez bien ce que vous faites. Vous dites, bon, moi le matin... Puis là, je prends l'exemple d'une journée de monsieur, madame, tout le monde. Ça typique. S'applique. Oui, typique. Okay. Je me lève le matin. Ce que je fais en premier, bon, pour une partie des gens, déjeuner. Là, vous pouvez écrire. Déjeuner. Moi, je fais pipi en premier. Oui! C'est la première chose que je fais en levant. Tu peux l'écrire, mais c'est le genre de micro-détail qui va te prendre du temps pour faire l'exercice qui suit. Surtout quand que tu vas régulièrement aux toilettes, comme moi, à toutes les heures, j'ai une petite pause de pipi de 2 minutes. Fait que c'est bon de ne pas l'écrire dans ton planning parce que ça peut te prendre bien du temps sur ta feuille. Merci. Recto verso, avec la bière, le juste matin, avec ça. Oui, hein? Oh, mon Dieu. Fait que vous écrivez, bon, 30 minutes, déjeuner à peu près. Faire deux toasts, pas un café. 30 minutes. Après ça, dire, ben là, je me prépare pour aller travailler. Fait que si vous lâchez votre Facebook le matin, à peu près en une heure, le temps de vous préparer, vous rendre au travail, ça peut prendre à peu près une heure. Vous pouvez l'écrire, check, une heure. Si vous habitez à Longueuil et vous devez vous rendre au centre-ville de Montréal, ça peut être différent. Ça peut prendre plus de temps de vous rendre au travail. Mais mettons, pour le monde de Trois-Rivières, règle générale, 15 minutes, ça peut prendre le temps de se rendre, une demi-heure. Ouais. Ensuite, on se dit, le chiffre idéal qu'on aimerait tous travailler, là, fait que j'y étais avec cette moyenne-là, là, un beau chiffre de 8 à 4. C'est cute, ce 8 à 4. On se dit, ah, c'est le fun, on a un beau chiffre. Fait que, mettons, on se dit, ben 8 heures de travail dans notre journée. On se dit, bon, ben dans 8 heures de travail, on a quand même une heure de temps pour dîner. Fait que, règle générale, ça nous prolonge notre journée de 1 heure. On l'écrit. Mm-hmm. Ah, ça me prend 1 heure de dîner. Retourner du travail à la maison, mettons, une trentaine de minutes. On l'écrit aussi. Prendre le temps de souper, préparer le souper, puis bon, on se dit, peut-être autour d'une heure. Mm-hmm. Ça peut être une moyenne. Après le souper, bon, on fait la vaisselle, on fait des petites tâches ménagères, tout ça. On se met ça à 30 minutes, c'est à peu près une moyenne qu'on peut faire aussi. On arrive à la fin de la journée. Il y a une autre chose super importante qu'il faut prendre en considération qui prend beaucoup, beaucoup de temps dans notre 24 heures. Se laver! Se laver! Se laver, là, si mettons, on se dit une petite moyenne de 30 minutes, ça nous convient-tu? 15 minutes, une petite douche rapide. Moi, c'est un bain de 5 minutes. Là, je me tanne, je commence tout de tremper. Mettons 30 minutes en moyenne, c'est bon. Puis quelque chose qui peut prendre encore plus de temps dans notre 24 heures. Se maquiller. toi, Mathieu. Ça te oui, c'est ce matin. Je vais l'avouer. Dormir. Dormir. Ah. Hey, ça, on peut laisser faire. Ouais. C'est ça que tu veux nous dire, dans le fond. Dors pas. Dormez pas. Vous allez avoir le temps de bouger. Non, non. C'est pas ça que je dis. Vous avez besoin de dormir. Un gros minimum de 6 heures. Mais mettons qu'on dit une moyenne de monsieur, madame, tout le monde. 7 heures. Dormir. Ben, 8 heures. Ah, oh, ouais. Hey, puis ceux qui dorment 6 heures puis 7 heures, ben, tant mieux, ça vous fait une heure de plus en fin de journée. Ah, oui, OK. Fait que mettons, vous faites tout le calcul. Là, 30 minutes, plus 1 heure, plus 8, plus 1, plus 30, plus 1, plus 30, plus 1, plus 8. Là, moi, je suis vite en calcul mental. Je sens ma feuille. 21! Ça vous fait un total de... Hey, t'as regardé ma réponse. Oui. 21 heures sur 24. Donc, il y a 3 heures qui ont comme disparu comme un bas dans sa chambre. Oui, oui, oui. Qui a dit, ces 3 heures-là, on l'a. Il nous appartient. Il y a une heure pour écouter Fort Boyard. Oui. Ah, une demi-heure pour les coulisses de Fort Boyard. Ça existe encore. Il est pas mort, lui. Mais c'est recommencé. Ben, tant mieux. Tant mieux pour lui. Puis tant mieux pour vous autres si vous aimez cette émission-là aussi. Parle-moi pas là-dessus. OK. Vous avez 3 heures dans une journée pour planifier ce que vous mettez en priorité, vous, dans votre vie. Fait que si vous dites, ben là, moi, j'aimerais ça bouger, mais j'ai pas le temps, ben je vous annonce officiellement qu'on vient de se trouver 3 heures dans une journée pour bouger. Êtes-vous obligé de vous rendre à l'autre bout du monde pour aller bouger, puis revenir, puis bon... Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre votre porte, sortir dehors, aller marcher 30 minutes, puis revenir. Il vous reste 2h30 de temps pour faire autre chose. Pour, comme on dit, glander. Voilà! Fait que dans une journée... Ce qui est ma position 1, ma position 2, ainsi que ma position 3, là-dessus. Puis là, il y a des exceptions. Il y en a qui vont dire, je travaille 12 heures de temps dans une journée, j'ai pas le temps. Bien là, ça, c'est un choix personnel. Hein? Si tu veux travailler 12 heures par journée et ne pas avoir de vie, c'est ton choix personnel. Exactement. T'as le droit de démissionner. C'est ça. Mais ben oui, après moi, c'est ça. Fait que je me passe de commentaires sur ce sujet-là, mais c'est un choix personnel. Mais si vous avez une moyenne comme tout le monde, faites le test, écrivez-le, votre horaire de la journée, vous allez voir. Puis après ça, on dit, est-ce qu'il faut bouger 7 jours sur 7? Pas nécessairement non plus. On peut se dire, j'ai une journée dans la fin de semaine où c'est moins chargé que ça comme horaire. On peut aller bouger, on peut aller au gym, on peut faire n'importe quel sport. Et on se dit, ben 2 soirs par semaine, je vais essayer de plugger ça à ma routine. C'est faisable. Il n'y a rien qui t'empêche non plus de combiner différentes choses ensemble. Tu pourrais, mettons, peut-être faire du vélo stationnaire en prenant pendant que tu regardes Fort Boyard. Comme ça, tu as l'impression de participer au jeu. Puis exactement. Tu des clés, ben oui. Plus tu t'engages des petites personnes. Mathieu, pour quelle belle motivation. Ben, bon, mais Mathieu, est-ce que tu as ça, toi, un vélo stationnaire? Je pense que oui, ça en fait. Oui, en dessous de ton lit. C'est ça. S'enlever dans ton lit, souffle dessus, puis il souffle dessus. Puis ça blonde, elle s'entraîne. Ah. C'est ça. Non, mais de toute façon, la poussière va aider. Ça va donner un petit défi de plus dans le roulement. Comme si tu avais besoin d'un défi de plus. Déjà, embarque sur le vélo, ça va être un pas pire défi. Là. Fait que, garde-toi, écoute Fort Boyard, fais du vélo en même temps. Hey, là, tu vas être fier de toi en plus. Là. Alors, c'est ça. C'est un test à faire, hein. Prenez le temps de le faire, ça vaut vraiment la peine. Tu dis, Dave Morissette, ça pédale, ça pédale super bien. C'est pas Guillaume le Métivierge qui animait les deux. Oh my God, c'est comme le duo. Moi, c'est le nain qui me donne le goût de pédaler. En tout cas, chacun son... Comment? C'est le nain qui me donne le goût comment? Bon, ben c'est ça. C'est de, on connaît maintenant tes goûts pour les hommes. Ça a l'air, enfin, un homme de ma grandeur. Un autre truc qu'on peut faire, là, c'est qu'un coup qu'on a pris cette prise de conscience-là, c'est de l'écrire quelque part. Tu sais, les étudiants, souvent, on va avoir sur Facebook. Là. Ben oui, oui. J'aime ça ce que tu dis, Stéphanie. Il y a des applications comme Runastic que tu viens écrire ce que tu as fait. Puis là, tous tes amis Facebook voient ce que tu fais. Puis là, ils viennent écrire. Ils aiment ça. Ou ils sont contents. Ils disent, let's go, continue. Je suis pas sûr de ça. Je connais des gens qui utilisent Runkeeper et d'autres trucs comme ça, qu'à chaque fois que la personne s'en va s'entraîner et ouvre son logiciel, ça poste sur Facebook. Mais c'est pas lui qui a décidé de le poster. Là. Ah, ben là, c'est. Il y a personne qui l'encourage. Ça se change, ça. Oui. Ça, c'est un détail. Fatiguant. Parce que si tu dis à tout le monde que tu veux t'entraîner, ben les gens vont te demander pis tu es entraîné. Ben oui, on va voir sur Facebook. Mais si tu t'es pas entraîné, tu te sens mal. Fait que voilà. Là, tu vas t'entraîner la prochaine fois. Puis le fait de prendre le temps de l'écrire à la vue, tu sais, comme les étudiants, on va avoir un agenda. Bon. On t'écrit, hein, on est porté, on le prend dans ta agenda, on l'écrit. Bon, j'ai tel examen, telle date, j'ai tel cours, telle date. T'sais, on l'écrit parce qu'on se dit ça, c'est important. Le fait de d'écrire aussi, je travaille telle journée, telle heure, on l'écrit à notre agenda parce qu'on se dit, bon, ben ça, c'est important. On l'écrit aussi, nos périodes d'entraînement à l'agenda. Ça vient nous aider puis dire, ben gars, ça fait partie de mes priorités. Puis le fait de l'avoir à la vue, dire, ah oui, c'est vrai, je m'étais alloué une période d'entraînement ou une période pour bouger à cette plage horaire-là, pour que ça devienne aussi important que si on allait travailler ou si on allait à l'école. C'est dans nos listes de priorités. Il y en a qui ont dit, bon, moi, j'ai pas d'agenda papier en tant que tel. Moi, je m'en vais travailler. J'ai pas besoin de savoir que je travaille de 8 à 4 par écrit. Je le sais. À ce moment-là, vous pouvez l'écrire sur un calendrier. Puis vous collez ça sur votre frigo. Puis là, vous levez le matin avec vos deux toasts. Vous dites, ah, c'est vrai, c'est ce matin que je suis supposée aller m'entraîner. Vous le voyez, c'est à la vue. Fait que ça vous aide encore plus à le garder. Puis dire, bon, ben là, mon horaire, c'est mis. Fait que j'y vais. Je me pose pas de questions. Puis en décembre, je m'achète plusieurs calendriers de l'avant. Comme ça, je peux tenir toute l'année. Puis prendre le chocolat à chaque fois que je vais m'entraîner. Ah, oui! Oh, mon Dieu! Non! Ben, encore là, c'est ta motivation. Prends ton petit chocolat, puis bois une heure au gym. Moi, j'approuve. Une bière, puis un petit chocolat le matin. Ah, ça réveille. Pourquoi pas? Fait que vous autres, vous êtes bien réveillés le matin. Ah, pas pire. Ben, semi, hein. La bière, c'est pas le plus stimulant. Ça réendort. Mais bonne. Ouais, Scott. Dans vos choix d'activité physique que vous pouvez faire aussi, il y a des trucs qu'on peut faire pour éviter la procrastination puis d'avoir l'impression... Hey, là, moi, je parle par même ça temps. Là, c'est subtil bière, comme ça, là, mais ils versent de la bière à côté de moi. Je trouve ça drôle. Je sens comme vendredi. Mais non, tu vois rien. Alors, quand on est quel jour? Mercredi, c'est mieux la semaine. Mercredi, chin-chin. Mm. Moi, je suis là avec ma gourde d'eau énergie cardio. Chin-chin. C'est bien. Bon, alors, des activités qui existent que vous avez l'impression que vous avez un rendez-vous. Cours en groupe. Vous avez un horaire de cours en groupe, vous dites, bon, OK, je vais essayer d'aller faire tel cours. Le fait de savoir que vous avez un prof qui vous attend dans le cours de Zumba à 9h le mercredi matin, puis que si vous n'êtes pas là, vous savez qu'elle va aller sur votre mur Facebook, vous écrire absente. Il suffit sur toi. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ben là, oui, Stéphanie? J'avais choqué un cours de spinning, puis je l'ai su. En fait, hein? Ça veut dire que là, si je te dis qu'à 10h, je suis dans ton cours de fesses de fer, si j'y vais pas, ça si va mal aller. Si pas là, sur ton mur Facebook, ça va être écrit absente, puis là, tout le monde va savoir pourquoi j'écris absente. Elle disait pendant le cours. Rendez-vous. Puis j'arrive au Zumba, puis elle dit, Alex, c'était pas là la semaine passée, hein? Mais go! Surprise! Ah, bon, mais moi, depuis que j'ai su que fesses de fer, c'est pas l'affaire de fétiche avec des robots. Ça m'intéresse. Ah, ça t'intéresse plus. Tu veux des robots? Non, moi, je t'arrange ça. Je vois que les demandes spéciales, tu vois, on va t'amener des robots. Oh, tu m'amèneras tes fesses, je vais t'amener des robots. aussi, le fait d'avoir un entraîneur privé. C'est encore plus puissant hein, que d'avoir un professeur de cours en groupe. Elle vous attend avec le fouet, là. Oh. Là, c'est quelque chose, là. Dominatrix. Si vous venez pas, t'aimes elle vous ça, appelle, ça, là. C'était pour toi, le fouet. Merci. Fait que vous avez un rendez-vous, vous savez qu'elle vous attend. Fait qu'il n'y a rien plus, au monde de plus motivant que savoir que ton boss t'attend pile à l'heure ou que ton entraîneur t'attend pile à l'heure aussi. Ça vous donne un rendez-vous, puis ça l'évite hein, de procrastiner, à dire ben, je vais y aller demain. Non, mon entraîneur m'attend aujourd'hui, il y a 9h, alors je vais y aller. Le fait d'aller bouger avec un ami. Oui, ben oui. Ça, c'est le fun aussi de dire, ben regarde, on va s'encourager. On va aller marcher, on va aller faire un cours, on va aller bouger ensemble. C'est super motivant. Mais encore une fois, c'est un couteau à double tranchant. Ouf. Quand vous êtes deux, vous avez deux fois plus de chances d'avoir un empêchement. C'est vrai, ça. Les chokers, mettons. Oui, deux fois plus de chances qu'il y en ait un des deux qui tombe malade. Deux fois plus de chances qu'il y en ait un des deux que la voiture ne part pas. Deux fois plus de chances de trouver n'importe quel que, oh, je suis déjà en pyjama parce que j'ai lavé la maison, fait que je ne veux pas me rhabiller. Ouais. Fait faut se dire quand même, bon, mais on s'était dit on va bouger telle heure, telle date. C'est, oh, c'est tu excuse Steph. Ah, oh, ouais? Tu t'es interpellé dans j'avais, le fond. J'avais ben jamais là, dit le nom. Ben non, il me regarde quasiment un clin d'œil. Ah! Fait que dans le fond, ton truc, c'est de pas te mettre de pyjama, c'est réglé. Ou d'aller m'entraîner en pyjama, ou d'aller au bar en pyjama. Ah, c'est-tu là que je te sors un pas game? Oh! Pas game, pas game, pas game. D'aller m'entraîner en pyjama. Ah, ben oui! Ben là, faudrait pas que je sois tout seul. Oh, c'est un défi, ça. La semaine, fais-tu votre entraîneur, ça revient bientôt. Si tu me lances ça comme défi, moi, je t'accompagne. Hey, tout est partant ouais, pour je vais tout. Y penser. Ben presque tout. Ben hein? Mon Dieu, elle l'a fait en banane. Ah oui. Déguisé en banane, le costume. Ouais, ah. Ouais, ouais. Vous donnez un cours de Zumba déguisé en banane. Wow. Puis je mangeais une banane en même temps. C'était absolument extraordinaire. Zumba! Dans la toune, ça dit les bananes. Oui. Ça, c'était une idée hein, de Yvette Richer, une des motivées du mur aussi. Combiner les deux. Ouais, vous avez comme un mur pour votre Zumba, c'est ça? Ben un mur pour tous ceux qui vont faire des cours en groupe, qui bougent, qui veulent prendre leur santé en charge. Même du monde qui vient d'un peu partout, là. Même pas juste. Ben, ça donne quasiment le goût, hein? Ah oui! Ah. Fait que là, tu tapes dans Facebook la gang de motivés qui font le kilo cardio avec moi. Le long et la gang de, oui, la gang de motivés, puis ça devrait apparaître. Tu viendras te joindre à nous. Mais pourquoi pas? Moi, t'as arrangé ça. Moi, t'as donné le goût de venir faire du Zumba. Moi, je te dis de combiner les bananes et le pyjama pour faire évidemment le classique des bananes en pyjama. Pyjama, oui! Ah, ben oui! Oui, oui, j'aime ça. Fait que tu prends-la en note, Stéphanie, ça s'en vient, là, cette semaine. Ah, ben moi, je suis en train d'entrer Alex sur la page. Ah, bon! La gang de motivés. Je me demandais, je suis là, pourquoi Stéphanie est après de jouer avec son ordi? Je vais vous quitter, moi. Je vous souhaite la bonne journée. Merci, Alex. Bye. Bye bye. Puis bonne fin de bière, bye. Stéphanie et Mathieu. T'es trop fine. Puis peut-être le Zumba bientôt. Oui, puis moi, semaine, Alex, avant que tu te sauves, là, parce que j'ai pogné un bout de ta chronique, là, mais j'ai manqué la fin, visiblement. Ah ouais. La bière, t'as-tu parlé du Costco? Moi, j'ai répondu à ton sondage. Oui, je sais, l'épicerie Costco, je l'ai manqué. Je suis désolée. C'est incroyable. Mais ils font de la tellement bonne poutine, en plus. Comme restaurant. Moi, je l'avais mentionné dans la chronique sur les meilleurs fast-foods. Je me rappelle d'avoir dit Costco, fait que ça compte pour ça. Je suis pas fine, je le cite jamais. Alors, Costco, bonjour, vous faites de la bonne poutine, puis on aime aller vous voir. Ah, okay. Ben là, objection, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, la poutine à la fin, là, c'est pas ça. Là. C'est la viande, les poissons qu'il y a, les fruits, les légumes. C'est pas cher. L'humus. C'est frais. L'humus, regarde, il y en a du choix, là. Les caisses de tofu. Mais il faut une carte. Il faut une carte de membre, par exemple. Oui. Ouais. Tout le monde a un ami qui a une carte de membre. Dévoilez pas vos trucs. Tu allez faire du sport avec Camille, mais allez faire votre épicerie avec votre ami aussi. Ben oui. Alors voilà, fallait que je plug le Costco. Okay. C'est trop extraordinaire. Bon, ben, je te laisse aller à l'école. Merci, Alex. Zoom, bye-bye. Bye. Zoom, bye-bye. Oui, j'aime ça. Je vais la retenir. Donc, je suis toujours avec Cindy. Gilbert, on t'a rendu. Voilà. Ben là, moi, je t'ai rendu dans des trucs pour essayer d'éviter la procrastination puis dire j'ai l'impression d'avoir ça comme si c'était un rendez-vous là, à mon agenda, le fait d'aller bouger. Vous inscrire dans un sport d'équipe. T'sais, vous pouvez vous inscrire dans, je sais pas moi, la raguette, le basketball, là, aller jouer au badminton ou le fait de faire partie d'une équipe. Vous allez avoir une équipe qui va vous attendre aussi puis dire, bon, mais si la pratique est le mercredi soir, ben, je me présenterai pas le jeudi, mon équipe sera pas là. Ouais. Fait que vous allez... c'est plate. Logique. Ça, ouais, badminton, ça, c'est ordinaire. Ouais, tu sais, ben, ça te fait courir vite d'un bord puis de l'autre du filet. Ouais. J'aime le projet. C'est tellement badass. Fait que ça vous donne encore l'impression d'avoir un rendez-vous puis ça vous aide à ne pas procrastiner au lendemain votre période d'entraînement. C'est tous des trucs que vous pouvez utiliser pour dire, ben, je veux bouger puis je procrastine pas. Il y a des trucs aussi au niveau de votre alimentation. Parce que ça aussi, on est porté à remettre ça au lendemain. Ou à boire de la bière à 7h30 du matin. Oui, oui, mais encore là, si vous prenez une petite gorgée ou deux, là, c'est loin d'être pénible. Si vous finissez la caisse de 12 que je vois en ce moment... Ben, non, c'est pas vrai! Il n'y a pas de caisse de 12. Et c'est dans un verre en carton, donc c'est comme si vous avez café. C'est une caisse de 24. Mais là, c'est différent. La modération va toujours au meilleur goût. J'ai lu ça quelque part. Moi, je sais pas où. Au niveau de l'alimentation, déjà, c'est juste le fait de planifier votre jour d'épicerie. C'est déjà la première étape, dire, on est en début de semaine, dire, je prends mon agenda, quelle journée que je vais me rendre à l'épicerie pour aller faire le plein de mon frigo. Quel jour tu conseillerais ça? Nous, on fait ça le lundi soir. Ben, pourquoi pas? Non, erreur! Pourquoi? Parce que t'arrives le lundi midi et tu sais jamais quoi manger. Un repas congelé. Mais ça dépend. Si vous faites toujours l'épicerie le lundi soir, c'est correct. Vous êtes correct pour 7 jours. Là. C'est que vous le faites le dimanche matin, le lundi soir ou le jeudi après-midi. Si vous y allez une fois par semaine, vous dites c'est là que je fais mon épicerie. Puis qu'après ça, ben, vous pouvez manger le reste de la semaine là-dessus. Il n'y a pas de problème. Parce que tu en achètes assez pour 6 jours. Oui, exactement. C'est ça. Fait que ça dépend aussi. Vous pouvez faire deux dire mais moi, je vais y aller le dimanche puis je vais y aller le jeudi. C'est correct aussi. Mais mettez-le à votre horaire parce qu'il n'y a rien de mieux au monde que d'avoir un frigo plein pour bien manger. C'est ça. Quand tu as que des mauvaises choses à manger, mais tu fais comme moi puis tu manges des mauvaises choses. Ou quand tu n'as rien, tu es comme paresseux d'essayer de te faire quelque chose. Puis c'est tellement avoir plus facile. Toute la volonté du monde. Puis tu te dis ben là, moi, aujourd'hui, je vais bien manger aujourd'hui. Tu rouvres ton frigo, puis il n'y a rien. Je vais me faire les grilles de cheese. Oui, il te reste un vieux pied de céleri qui marche tout seul dans le frigidaire. Voir des céleri chez nous. Hey, drôle, toi. Des céleri quoi? Des comment ça goûte à rien, cette affaire-là. Fait que ça vaut la peine de le mettre à son horaire aussi. Puis là, ça, c'est l'épicerie. Un coup, c'est fait, le frigo, il est plein, tout ça. Est-ce qu'on est obligé d'aimer cuisiner pour cuisiner? question qui tue. Encore une fois, je dirais oui, parce que j'aime pas ça et je le fais pas. Ben, encore là, c'est comme si le matin, vous dites, là, le matin, ça me tente-tu d'aller au travail? Mais c'est de dire, ben là, à soir, ça me tente-tu de faire le repas? Si vous posez la question, la réponse, ça se peut que très souvent, ça soit... Bof! Mais ça se développe aussi, ça se développe. Oui, ça se développe. Moi, là, il y a 6 ans, là, je n'aimais pas cuisiner parce que je savais pas quoi faire. Ça finissait tout le temps que je faisais la même chose. J'ai décidé d'aller fouiller un peu dans différents livres de recettes puis me donner le temps d'apprendre différentes choses puis dire, ben finalement, entre-temps, j'ai fini par aimer ça. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par aimer ça aussi. Un autre truc que je me suis dit, là, même moi, là, aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, j'aime cuisiner. Moi, c'est fait, ça, c'est réglé. Là. Yes, une étape de plus dans ma vie. J'aime cuisiner. Mais quand je reviens de travailler, là, je me suis entraînée 3-4 heures le matin, je suis allée à l'école l'après-midi, je reviens de travailler, les enfants sont là, ça court, ça crie. Là. Est-ce que même moi, la première, je me dis « Youhou, je m'en vais faire mon souper! » Pensez-vous? Ouf, hein? Je pense pas. J'ai une face à ça, hein, quand même. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Moi aussi, je fais comme « Bof! » Fait, ce que je fais, c'est que je mets toutes les chances de mon bord pour aimer ce moment-là de ma journée. Fait que moi, dans mon cas, première étape, les enfants crient partout, ils ont de l'énergie en revenant. Je les swing dehors. T'es mis dans la cage. Hein? Les mets dans la cage. Je les swing dehors. Je vous dis, allez vider votre énergie. Pendant ce temps-là, moi, je prends le contrôle de ma cuisine puis je prends le temps de cuisiner. Même chose avec mon mari. Il est énervé, il crie, il court partout. Avant, il dort avec les enfants. Moi, je prends le contrôle de ma cuisine pour prendre le temps de cuisiner. Puis là, vous devriez voir la paire de yeux de Mathieu qui me regarde. Moi, mais déjà, Cindy, ta page Facebook, tout le monde attend que tu mettes la photo de ton souper. Tu peux pas toutes nous choquer comme ça. As-tu Instagram, Facebook, Twitter, Splash Face, ta photo de ton repas à chaque jour, c'est oui, ça? Oui, c'était beau, par exemple, ce terme-là. Mais oui, c'est ce que je fais. Fait que là, puis là, je me dis, ben, pendant cette heure-là, demi-heure-là que je prends pour préparer mon repas, là, j'ai le choix de grogner tout le long en me disant, ça va pas assez vite, ou d'ouvrir la télé en même temps puis de regarder une émission que j'aime pour décrocher en même temps. Je me dis, cette demi-heure, cette heure-là, j'ai décidé, moi, de la prendre au lieu de grogner tout le long, de la prendre pour préparer la nourriture. Oui, yeah, après ça, un coup, c'est fait, je suis contente. Mais aussi, dire, c'est mon petit moment à moi de la journée. Fait que ça dépend aussi de la façon qu'on voit les choses. Là. Je me suis donné le droit d'apprendre à aimer cuisiner, puis je me suis donné le droit d'apprendre à aimer ce petit moment-là aussi. Puis j'ai commencé à apprécier Fabienne Larouche, puis là... 30 vies, c'est bon! Ah, bon, fait que ben, si tu prépares ton repas devant 30 vies, tu peux. Ça te met une tendre un peu. C'est ça, ouais, je sais pas. Ça s'enregistre, hein? Oui! C'est ça. Moi, j'allais dire, tu sais, que faire l'épicerie, là, si seulement c'était comme sur Tout.tv qu'on pouvait rattraper les épisodes de l'épicerie qu'on a manqué de la dernière semaine, il devrait y avoir un Tout.tv de l'épicerie, mais la vraie épicerie. Oui, c'est vrai, cool, hein? Fait que là, t'écoutes ça à chaque fois. Là? Parce que l'épicerie, si tu le manques à TV, tu peux le pogner sur Tout.tv. T'sais. Mais ton épicerie, si tu t'en fais pas, ben, il n'y aura pas de bouffe, elle apparaîtra pas sur Tout.tv. Mmh. On comprend-tu? Ouais, yo, ça marche bizarre des fois ouais, dans ta tête. Je trouve aussi. Ouais, mais un coup, tu t'es expliqué, c'est plus fluide, là. C'est ça. Fait que, pas vraiment, mais bien essayé. Okay. Ouais, mais c'est pas pire, tu sais, quand t'en as une sur deux, c'est ouais, une bonne moyenne ça. Quand même. Et, avec une bière, là, encore. Voilà, fait que donnez-vous le temps de décrocher puis de préparer vos repas. Puis après ça, oui, ben là, c'est sûr, après, c'est le fun. Moi, je me prends le temps de faire un petit montage tout cute. Puis là, j'appelle les enfants, j'appelle mon chum, puis je fais « Le souper est servi! » Puis là, avec la petite clochette. Bon, puis là, ouais, 3-4 petites carottes en tente dans l'assiette, là. Ça fait comme un petit tipi avec... un petit tipi. Alors voilà, prenez le temps de mettre tout à votre agenda. Prenez le temps d'essayer de trouver des activités que vous aimez. Ça va vous aider à ne pas procrastiner. Puis écrivez. Écrivez vos choses dans votre agenda. Ça va vous aider beaucoup aussi. Et il est déjà 8h30. Tu prends tout le temps que tu veux, mais oui. Si tu as d'autres choses, tu me suis. Oui, mais non, ben là, c'est parce que si j'arrive en retard à mon cours ton de cours. Zumba, là... Ah, ton cours de fesses de fesses. Il n'y en aura pas. C'est ça, il n'y en aura pas. Là, ils vont pleurer, puis là, c'est ça. Tous ceux qui ont réussi à trouver la motivation ce matin... Si le prof est pas là, c'est plat. Ça te pète une balloune, hein? Puis là, c'est vraiment, il est pas là. Bon. Fait que je vais m'arranger pour être à l'heure à mon deuxième travail. Alors, sur ce, vous savez quoi faire? Ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, prenez une feuille blanche, écrivez toutes les heures que vous avez dans une journée pour prendre conscience de combien de temps qu'il vous reste de lousse dans une journée, puis planifiez. Ou combien de temps on gaspille. Tu sais, puis là, il y en a qui disent, oh, moi, je me sens pas interpellée par ça. Quand on est au mois de janvier, exemple, puis qu'on est dans le mois des résolutions, puis on se dit, là, je vais le faire. On est capable de le maintenir pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Ça marche. Puis on est capable de le mettre à notre agenda. Puis là, whoop, par magie, on arrive à un moment donné, puis on se dit, whoop, là, j'ai plus le temps. Pourtant, on n'a pas augmenté notre nombre d'heures de travail. On a juste comme enlevé nos priorités. Puis c'est là que ça fait toute la différence. Ça, moi, je sais que j'ai le temps. Je suis juste paresseuse. Ouais. Hey, je te comprends-tu? Ben, t'es quand même une bonne paresseuse. Parce que quand même, je te vois. Je te vois au gym. Elle veut t'impressionner, c'est juste. Ah, c'est ça! Elle veut pas se faire attaquer. Le jour où ma liste d'épicerie, ça me prend 2 heures à la faire. Fait que ça, je sais que j'ai investi ce temps-là. Sérieux, ça me prend 2 heures parce que je regarde toutes les petites affaires que j'ai chez nous. 2 heures d'épicerie, là, tu pourrais regarder 4 épisodes de l'épicerie. Oui, mais en même temps, c'est peut-être plus productif, là, tu sais, puis si t'as du plaisir à le faire. Mais c'est parce que je sais, après ça, je vais faire mon épicerie, je fais plein de petites popotes, puis la semaine, je sauve plein de temps après ça, là. Bon, OK. Voilà. C'est du temps de bien investi. Exact. Puis j'aime ça. Bon. L'épicerie. L'émission sur Twitch.tv. C'est dit, Gilbert. On te retrouve dans deux semaines. Yes. Toujours les mercredis à 8h. On te lit dans Zone Campus sur deux semaines aussi. Oui, puis là, j'ai hâte dans deux semaines. Hein, le sujet, là, on va parler de la guerre contre les gras. Oh! Alors, j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Moi, j'enchaînerai tout de suite, drette là, un matin avec ça. On va attendre deux semaines. Dans deux semaines, mercredi, yes. 8h, zonecampus.ca. Merci, Cindy. Bon, et bye! Salut! Dans quelques instants, ce sera Sex, mais ça devrait répondre là. Mais avant ça, on se souhaite à tous mutuellement bonne fête. Parce que voici Royal Kenway Birthday. Bonne fête, Mathieu! Bonne fête! You know. Au retour, on s'achète un paquet de choses dans Sex, mais ça devrait répondre là. Et plus tard, on parle du Zone Campus. Tout ça dans la prochaine portion de l'émission. Hein. C'est une portion d'une heure qui va durer 60 minutes. C'est comme deux épisodes de l'épicerie. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Hiya! Hiya! Toujours Assemblage requis en ce mercredi matin 29 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. J'imitais un ninja sous. Un ninja sous. Hiya! Puis là, ton bazar. Hey, parlant d'être sous, Non, mais je trouve ça drôle parce qu'on n'a pas remarqué ça du tout tantôt. Mais sur la bière Westcott, là, tu as remarqué qu'il y avait une pince Vice Grip en plein milieu du soleil. Je trouvais que ça ressemblait à un outil, mais je ne sais pas lequel. Tu as en effet raison, c'est comme une clé, une molette. Non, ça, c'est une pince Monseigneur. Ah, OK. Moi, la religion, ça. Ça n'a aucun rapport. Monseigneur, non. Ouais, donc on a bu de la bière tantôt avec notre amie Alexandrine Pichessir. On va la revoir dans deux semaines et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres bières parce que c'est trop dur pour nous autres le matin. Aïe. Mais pour l'instant, tiens, dépenser sur de l'alcool, c'est une chose, tu sais. Mais ça peut te faire paraître un petit peu, tu sais. Je sais pas. Alcoolique. Alcoolique, peut-être un peu, tu sais. Peut-être qu'à la place, tu veux acheter des gadgets inutiles qui te serviront probablement juste une fois. Ça va là juste cave. C'est ça. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique où on achète des choses, on achète des choses, on les achète pas, on les achète sur Internet. Et commençons avec un bureau. Tu sais, c'est fini dans ton bureau, peu importe où tu travailles, où tu as envie de travailler. Ouais. Et bien, des fois, tu manques de place sur ton bureau. Ben oui. C'est ça. Donc, il te faut ce bureau absolument fantastique qui est le Straight Desk, qui est composé presque complètement de tablettes. Donc, comme tu peux le voir sur la photo sur assemblagerequis.com, le bureau, à la place d'avoir des pattes, ben il y a vraiment une tige au milieu et des tablettes. Et tu peux avoir des petites tables de côté aussi, des petites tables genre comme pour l'imprimante, mettons, l'équivalent pour un bureau. Mais tu pourrais mettre toutes tes paperasses, tes cahiers, tes écouteurs là-dedans. Ça va super bien. Ça se construit en dedans d'une demi-heure, un peu comme n'importe quel autre meuble chez IKEA, mettons. C'est fabriqué en Belgique avec du bois européen de qualité. Et ça coûte 1750$, ça, pour avoir un petit peu plus de place. T'sais. Ouais, mais c'est laid. Tu trouves ça laid? Je trouve pas ça super. Non, je trouve pas ça beau. J'ai l'impression que si tu pèses dessus, ça va plier comme un accordéon. Si seulement ça pouvait faire ça, tu pourrais le mettre en dessous de ton lit avec les affaires d'entraînement. Ben oui. C'est parfait. Moi, je le prendrais en noir, par contre, ou en couleur bois naturel, mais pas le bois cheap qui a l'air genre d'une mélamine cheap, genre à la IKEA, comme le meuble de la petite table d'à côté, qui est à gauche. Brune. Pas ça. Brune, ouais. En contreplaqué style. C'est ça, genre, j'aime pas ça, ça fait vraiment cheap, mais bon. Mais je la trouve pas belle du tout, parce que même si tu vois le panneau qui passe en plein milieu, il est comme couleur contreplaqué cheap. Fait que ça a juste l'air de je pourrais t'en faire une comme là. Ben, c'est un meuble de chambre pour enfants qui a pas été payé trop cher alors que tu le payes 1750$. Mais genre. En tout cas. Ensuite, tu sais, comment dire, le mouvement est très utilisé et très à la mode en ce moment pour contrôler plein de choses. Mettons, avec la Xbox, tu peux contrôler tes jeux ou l'interface avec tes mains. Oui. C'est très à la mode. Donc, maintenant, c'est Finn, qui est un autre contrôleur ou manette, si on veut, contrôlé par les gestes. Mais c'est une bague qu'on met sur le doigt. Et ça transforme ta paume, la paume de ta main, en un truc pour faire des gestes. Donc, dans le fond, t'as un clavier, t'as une souris, mais tout ça dans ta bague avec ta main qui sert pour faire tout ça. Cet appareil programmé pour reconnaître chaque segment de tes doigts. Donc, vraiment, ça va reconnaître chacun des trois segments de chacun de tes doigts. Je pense qu'il y en a toutes trois, sauf le pouce, il y en a deux. Hein? Bon, voilà. Les segments de doigts, on appelle. Hein? Juste deux sur le pouce. Il y en a qui n'en ont pas partout sur le pouce. Hein? C'est ça. Super intéressant. Donc, Finn se connecte à votre téléphone cellulaire, votre télé intelligente, votre voiture, votre système d'automatisation de la maison là, qui est très populaire en ce moment comme le Nest. Tout ça via Bluetooth. Et ça peut convertir un simple mouvement de la main en commande avec n'importe quel autre appareil connecté. Vous pouvez voir la vidéo pour voir quelques exemples. Ça a l'air un petit peu fou. Là. On voit la fille en train mettons, il y a un gars dans sa voiture puis il fait juste bouger son pouce d'une drôle de façon, genre à l'intérieur de sa paume de main, puis ça change de volume ou de chanson. Ouais, mais on s'entend, c'est parce que tu peux faire ce mouvement-là par inadvertance. Ouais, hein? Admettons, t'écoutes un film, puis là, tu plonges la main dans le sac de popcorn, fait que là, tu viens d'avancer ton film, tu viens de skipper trois scènes. J'espère que tu prends la main qui a pas la bague pour aller dans ton popcorn. Mais non, mais tu y penses pas nécessairement, là. Mais imagine ce que tu pourrais faire sur quelque chose qui est connecté sur ta main et avec un ordinateur. On pourrait imaginer un paquet de situations plutôt kinky avec cette bague-là, mais bon. Mais l'idée est cool, mais d'après moi, il y a encore des petits trucs à améliorer par rapport à ça. Je le pense aussi, et entre autres le look de la chose, parce que je trouve que ça attire beaucoup trop l'attention. C'est fluorescent, genre bleu, rouge ou blanc avec une ligne bleu fluo. C'est trop, ça paraît trop, on dirait tu sais, les petites choses que tu... Les swim aid. Ah, voilà. Pour le pouce. C'est ça, exact. Les mini swim aid pour le pouce. La batterie dure quand même très longtemps, on dit que ça dure un mois environ. Ça ramasse de l'argent en ce moment, ce produit-là, Finn, sur Indiegogo. On demande 80$ pour avoir votre propre bague Finn. Il peut faire 5 commandes par appareil pour l'instant. On promet plus de commandes. Mais tu sais, pour l'instant, tu pourrais changer de chanson, reculer, avancer, monter, descendre le volume, faire play-pause. C'est pas mal les 5 choses que tu pourrais faire. T'aurais rien d'autre. Ensuite, côté cuisine maintenant, c'est les Chef's Cheese Melting Dome. Tu sais, quand tu fais cuire un hamburger, le fromage, là, pour le faire cuire par en dessous, il faut que la chaleur puisse passer, tu sais. Je sais pas comment ça se fait que ça fonctionne avec ça, mais avec la cloche de métal par-dessus. OK, tout le monde connaît ces cloches de métal-là. Ben oui, mais je veux dire, ils montent ça sur un barbecue ou ferment le couvercle de ton barbecue? Ouais aussi, ouais, en effet, tout à fait. Ouais. C'est ce que je me demande, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait. Mais ça s'appelle Chef's Melting Dome, qui est pour faire fondre le fromage de façon plus égale sur le contour du hamburger. Donc j'imagine qu'il n'y aura plus de petits calcinés sur le centre ou quelque chose comme ça, si mettons le feu lui touchait directement, quelque chose comme ça. Moi, ça protège des flammes, tout en prenant pourtant les flammes d'en dessous du hamburger. C'est ça, mais aller ramener par-dessus le fromage. Ouais, mais ça dit que tu peux faire cuire des œufs aussi, genre sunny side up, là, avec le jaune pas pété dessus. Tu peux réduire, ça réduit aussi les crépitements de gras de ta boulette, par exemple, donc ça empêcherait de peut-être, mettons... Mais oui, ferme le couvercle de ton barbecue! Ouais, mais si mettons, j'avoue, mais mettons que tu fais cuire plusieurs affaires en même temps, que tu dois laisser le couvert ouvert parce que tu distribues en même temps d'autres affaires. Là, il faut que tu laisses ton couvert ouvert. Et là, ben, ça fait des crépitements partout. Comment? Ça revole pas sur un barbecue? Ouais, peut-être pas. Mais c'est de qualité professionnelle, c'est en acier inoxydable, non. 9 ou 13 pouces de dôme, non, OK. Parfait, bon, sûr. Tiens, ça, une autre bague. On revient un petit peu au domaine de ce qu'on porte sur son corps. C'est une bague horloge, parce que tu sais, dans la vie, Caroline, quand tu veux avoir l'heure, là, qu'est-ce qu'il y a de plus détestable que de devoir sortir ton téléphone cellulaire, tu sais, parce qu'on a plus de montre, là. Ben, c'est pas dur. Tu demandes à quelqu'un d'autre, il est quelle heure, que lui sorte son téléphone cellulaire. Tu vois, c'est le problème des autres dans ce temps-là. Exactement. Mais si vous voulez arrêter de déranger les gens, il vous faut la Ring Clock, qui est une combinaison entre une bague et une montre. C'est un design de Gustave. Ça a ce rapport avec David Ferron. J'espère ça? Que non. Donc, Gustave Skizai, c'est une bague en acier inoxydable, encore une fois, qui comprend en fait deux portions de bague. Donc, tu as la portion minute et la portion heure. Et donc, c'est ça affiche l'heure avec des petites lumières LED dedans. Quand tu fais tourner l'anneau du haut, les lumières vont s'allumer, vont afficher l'heure en format 24 heures et les minutes. Et après une minute, la lumière LED va s'éteindre pour économiser l'énergie. Et ça se charge d'une façon unique aussi. Tu branches ça, ben en fait, tu ne branches pas. C'est sans fil sur une base qui fait très, très futuriste, on dirait un vaisseau spatial. Et tu le mets sur la charge et ça charge ta bague. Mathieu? Quoi? Je comprends pas comment ça marche. Je le regarde puis je la comprends pas. J'ai de la misère à lire l'heure sur mon micro-ondes. Là. Là, tu veux que je lise l'heure là-dessus? Ben, mettons que t'as... c'est comme deux ou trois segments. Je sais pas si le troisième segment bouge lui-même, mais je sais qu'il y a deux segments qui bougent. Et il y a sur un segment de la bague, c'est les heures qui sont écrites autour de la bague. Donc, à 12. Elle va tourner toute seule sur ton doigt? Non, c'est ça. Faut que tu cherches l'heure? L'heure va s'illuminer par une petite lumière LED. Mais c'est ça, mais si la bonne heure est en dessous de ton doigt, faut que tu le tournes. Ben, c'est pour ça que tu peux tourner la bague pour trouver ton heure. Mais tu sais, là, mettons, ça marque, parce que c'est le système 24 heures, j'ai dit 12, mais c'est 24. Là. Tu fais tourner l'anneau et ça va afficher, mettons, 14 en lumineux. Et sur l'autre, ça va écrire 1. Donc, tu vas savoir qu'il est 14h01. Non, 31, là, parce 31, que t'as le 30 avant. T'as bien raison. Ouais, mais si c'est en dessous, faut vraiment que tu tournes pour chercher, là. OK, je comprends, c'est 30 et 4 petites barres de couleurs, donc ça fait 31, 32, 33, 34. C'est ça, 34. Faut que t'es additionnes en plus. Oui, c'est ça. En regardant plus proche, t'as bien raison, c'était un petit peu plus compliqué que je le pensais. Mais c'est beau. C'est très beau, très, très geek. Et encore une fois, la base pour charger qui est sans fil, je trouve ça cool. La batterie devrait durer une semaine environ. Si tu regardes ta montre 15, pas ta montre, mais ta bague 15 fois par jour. Le projet ramasse d'argent en ce moment. Ça réussit à atteindre son but et donc va aller en production. On peut précommander sa bague montre pour 250$. Ça va durer cet été. Ouais. C'est cher. En effet. Quand tu vas dans un hôtel ou dans une place que tu connais pas tant que ça, tu te sens pas en sécurité. Ça peut arriver, surtout dans un hôtel miteux à certains endroits. Et donc, si tu voyages souvent et que tu as besoin de te sentir en sécurité, il te faut ce petit gadget-là qui est un Portable Door Jammer. Donc, c'est vraiment un peu comme les petites pattes qu'on retrouve en bas des portes, que tu fais juste botter cette affaire-là puis ça tient ta porte ouverte. Là, on voit ça dans toutes les portes, le petit pli, si on veut. Pas plus comme pour verrouiller la porte, là, comme un sabot de Denver sur les roues de voiture. C'est un mélange entre les deux. Donc, tu glisses, c'est un genre de sabot, mais en forme de petite patte qu'on voit sur toutes les portes. Et c'est que tu l'insères dans le cadrage de porte en bas, comme tu fais avec un sabot. Et ça empêche de pousser la porte ou de l'ouvrir par force avec un petit pied qui ressemble étrangement au pied de porte normal dans les commerces. Non seulement un mélange des deux. Ça fonctionne avec la plupart des portes. On l'installe assez facilement. On glisse ça, comme je disais, en dessous de la porte. Ça va réussir à peut-être au moins éviter quelques problèmes. Peut-être, mettons, dans le studio de gens qui entrent par mégarde en pensant que c'est la chasse-galerie. Non, mais on va juste la barrer. Non, mais je pense que ça, c'est plus... admettons que t'as un voleur qui te court après, là, puis là, il y a un gros couteau. Puis là, tu t'enfermes dans la chambre, t'as-tu le temps de monter ça? Fait que là, tu te mets à quatre pattes, tu mets ton sabot. Mais t'as-tu le temps? Non, t'as pas le temps. Non, mais ça peut peut-être te sauver la vie. Ben, peut-être que t'as le temps. Si tu te forces, c'est qu'il est vraiment très, très facile d'accès, ton sabot. Mais ben bon, oui, ça, je veux dire, tu le gardes dans ta sacoche. C'est ça. ça coûte 23,50$ chez Amazon. Petit gadget un petit peu anodin. Ensuite, pour les amateurs de fusils, surtout aux États-Unis, mais quand même, on vous l'offre partout dans le monde si vous êtes un amateur d'armes à feu. Avoir une arme à feu pour se protéger, ça peut être une bonne chose, dépendant de votre opinion là-dessus. Mais savoir où la mettre, cette arme-là. Par exemple, si vous avez des enfants, peut-être un mari ou une femme jaloux ou fâché, fréquemment, ou des invités sous, mettons qu'ils ont bu de la bière à 7h30 le matin. Il vous faut la gun box, qui est une boîte, finalement, pour mettre votre fusil. Et c'est fait d'aluminium calibre avion, là, genre vraiment super, super sophistiqué. Et ça offre un lecteur d'empreintes biométrique, un scanner de RFID et un bracelet qui va avec. Donc, tu peux vraiment soit passer ton empreinte pour faire débarrer la boîte pour prendre ton fusil. Tu pourras avoir le bracelet qui est couplé avec, et que quand tu passes ton bracelet dessus, ça va l'ouvrir. Donc, tu as plusieurs façons de faire avec ça, et ça va vous permettre de prendre le fusil à l'intérieur. Et comme c'est fait pour vivre sur votre table de nuit, votre table de chevet, et qu'il y a deux ports USB dessus, bien, vous pouvez en plus l'utiliser pour brancher vos gadgets la nuit. Oh. Donc, tu as vraiment le kit au complet, l'ensemble. Tu as aussi un port pour les trucs Kensington, pour les barrer, c'est comme pour les portables, le petit port Kensington. Tu as un GPS optionnel pour ajouter encore plus de sécurité. Okay? Et tu as des trous, si jamais tu voulais le monter dans un meuble pour que ça reste là en permanence. C'est la Gunbox. Mais écoute, je trouve ça cool. Tu sais, je pense qu'on pourra jamais convaincre tout le monde que les fusils, c'est mal. Au moins, avec ça, ça peut protéger les gens qui sont pas concernés, comme les enfants, justement. Je pense que ça va être une bonne chose. Oui, et en plus, je veux dire, ça a beau être pour les fusils, mais j'imagine qu'on pourrait les utiliser pour autre chose. Là. Des bijoux? Un disque dur externe avec des backups dedans, ça pourrait être n'importe quoi. Mais là, capote pas, là. Tu veux dire, t'as-tu tant d'affaires... à cacher que ça pour acheter une boîte à 475$ pour cacher ton disque dur. Je vais plaider le 5e amendement si je veux ne pas répondre. Les Américains font tant ça, plaider. J'exige un avocat. Je n'avouerai rien à moins de torture. Pas de problème. Check bien ça. J'ai mon gun. maintenant, tiens, on a parlé du fait qu'on s'est un petit peu semi-soudé avec notre dégustation de bière plutôt. Ici, on parle des Drunken Donuts. Drunken Donuts, excellent jeu de mots avec Drunk et Dunkin. Ben on se comprend. Donc, c'est des desserts remplis d'alcool qui goûtent comme vos cocktails préférés, mais en forme de beigne, en forme de cupcake. J'en veux. Ah, se mange les cheveux. En forme de cannoli, en forme de brownie ou même de truffle. Ah, de truffle. De truffe, évidemment. Truffe. Peanut butter bacon cups. Peanut butter bacon cups. Donc, c'est à saveur de daiquiri, martini, creamsicle. Oh, malade, les creamsicles, je savais, j'adore ça. Pina colada, champagne, white Russian et cake tini, qui est déjà une sorte de gâteau à alcool. Mais bon, j'imagine que c'est un beigne à saveur de gâteau à l'alcool. Je sais pas. Il y a même des Mai Tai. Donc, ça va être envoyé, évidemment, sur mesure. Donc, quand vous le commandez, c'est là qu'on vous l'envoie. Donc, il n'y aura pas de vieux stock. On vous refile pas des restants. C'est les Drunken Donuts. T'en as combien quand tu commandes? C'est-tu comme 10$ pour un, vraiment? Ah, je crois pas. Attends un petit peu, c'est sur thedrunkendonut.com. Donc, on va y dans les favoris, tiens. Dans mes favoris. chaque ensemble, c'est 4. Donc, tu peux acheter 4 Mud Slides pour 10$, 4 Creamsicle pour 10$. Tu fais tes propres ensembles. Et j'imagine que tu dois pouvoir faire du mix and match là-dedans aussi. On dirait que j'ai pris des Drunken Donuts. Ouais, mais on en achète, là? Oui. C'est sur assemblageriquet.com, le lien est juste là. Il nous attend. Ça, je suis partante. Tu sais, quand t'amènes des Timbits, mettons, quelque chose comme ça au travail, pas qu'on a fait ça à date, là, mais ça rend tout le monde heureux. Imagine si t'amènes des Drunken Donuts. Ouais, ça, je les garde pour moi, puis ça, je partage pas. Maintenant, tiens, après avoir mangé autant, il faut s'asseoir, se détacher la ceinture un petit peu. Que diriez-vous de vous asseoir sur une peinture? Ça s'appelle le canvas. C'est le design de Yoy, Y-O-Y. C'est fait pour avoir l'air d'une peinture. OK, un vrai canevas, une peinture, une toile. Mais ça fonctionne comme une chaise. Donc, c'est fait avec un cadre de bois couvert d'un tissu élastique sur lequel on a imprimé une chaise, évidemment. Et le tissu s'étire pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur de la peinture. Difficile à décrire un petit peu, mais il y a vraiment un trou dans la toile. La toile continue, mais c'est imprimé en élastique, donc tu t'assois. Et j'imagine qu'il y a une limite de poids là-dedans, mais quand même, tu peux t'asseoir. Il y a aussi un modèle divan, donc chaise ou divan. Et on peut évidemment, une fois que l'élastique ou que tu t'es enlevé de ça, ben, l'élastique se remet en forme et tu peux mettre ça, mettons, tu pourrais l'accrocher sur un mur, tu pourrais le mettre derrière le divan pour faire un divan additionnel, tu pourrais faire n'importe quoi avec ça. Je suis perturbée. C'est cool, hein? Je trouve ça vraiment le fun. Et tout ça pour ça mesure 59 pouces par 43, sinon 51 par 75 environ pour le sofa. Et on peut acheter ça en direct sur sharesale.com. Voilà. Ça doit être tellement cher pour aucun confort. Sûrement aucun confort, mais c'est, ouais, c'est comme une chaise d'amis, d'appoint. Non, mais tu sais, t'as ça, t'as de la visite, tu leur montres, t'as comme, ah, regardez ça, puis c'est fini. Après, oui. T'as plus de fun. Il y a bien des gadgets comme ça qui sont faits juste pour faire dire quelque chose. Ben oui, tellement. Tiens, maintenant la Saint-Valentin s'en vient, on veut offrir des fleurs, mais les fleurs, c'est comme, comme une relation. C'est supposé représenter une relation, j'imagine une fleur, mais en même temps, quand même, ça finit par devenir noir et mou. À moins que vous ayez commencé avec un amoureux noir et mou, mais ça, c'est vraiment comme ça vous tente. Hey. Donc, trouvez vase, etc. pour pouvoir mettre vos fleurs dedans et pour finalement qu'ils durent juste quelques jours. Finalement, c'est juste du trouble. C'est ça, c'est juste du trouble. Donc, à la place, pourquoi ne pas prendre quelque chose qui va un petit peu plus représenter votre amoureux amoureuse, c'est-à-dire un bouquet de petits chatons. C'est tellement niaiseux. Attachés sur des bâtons, bien sûr. Et ça, ben, ça dure pour toujours parce que Colin, c'est des toutous. Ça coûte 50$ pour le bouquet au complet. J'en compte une bonne, quoi, douzaine peut-être? 10-12, douzaine, sûrement une douzaine. De chats? Il y en a 9. Juste 9? Non, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 de chaque couleur. Ouais, mais c'est parce que là, je veux dire, à un moment donné, on dit une douzaine de roses, pas une neuvaine. Hein? Fait qu'il aurait dû être conséquent de mettre une douzaine de chats. Mais non, mais tu fais quoi après ça avec tes 9 toutous de chats? Ben, t'es mis partout en maison pis tu fais des spectacles de marionnettes. Ah, OK. Bon. Problème réglé, ça répond à ta question. La fille, elle aime trop ça, on oui. dirait se frotter la face dans son bouquet de chats. ouais. Ensuite, un cadran maintenant, le cadran qui s'appelle Ivy Sleek. Tu sais, on a parlé un petit peu plus tôt en chronique, tout est rendu automatisé. On peut faire baisser ses lumières avec une application iPhone. Bon. Oui. Mettons. Pour agrémenter tout ça, le Ivy Sleek, c'est un appareil qu'on met sur sa table de chevet qui ressemble à une alarme, à une radio-réveil, un radio-réveil, mais qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, tu peux, c'est un thermostat comme le Nest dont on a parlé tantôt, des serrures intelligentes dont on a parlé souvent aussi, des lumières qui peuvent changer par application. Ivy va tout centraliser ça via commande vocale. Ça va accepter donc la commande, tu vas juste dire « allume les lumières », ça va allumer les lumières. Évidemment, il faut que tu achètes tous les gadgets à part pour faire fonctionner ça. Tu pourrais dire « monte la température quand tu es couché », tu sais. Ah, c'est cool. C'est vraiment le fun. Il y a un microphone qui prend vraiment... que tu es capable de lui parler de très, très loin. On dit 15 pieds environ. C'est un écran LCD de 4,3 pouces et ça peut jouer vos chansons préférées en utilisant un haut-parleur intégré. Tout ça pour 230$ plus chacun des gadgets qui vont aller avec ça. Ouais, mais c'est déjà les gadgets. Ça peut être cool. C'est ça. 230$ de plus ou de moins. Là. Faut juste que tu fasses attention. Si tu parles dans ton sommeil, tu sais pas ce que ça peut donner. ouais. Maintenant, un mode... Dans le bloc mode de 5 semaines, ça devrait pas, on l'a. Tu sais, les écouteurs, c'est ben le fun, mais c'est pas assez beau. Quand t'as des petites boucles d'oreilles, mettons, ça peut être des jambes. Ça finit par se mêler. À la place, tes boucles d'oreilles devraient être attachées à tes écouteurs. Comme ça, tu peux, quand tu mets tes écouteurs, avoir, par exemple, je sais pas, des petits oiseaux pendus après, parce que, Caroline, c'est ce que tu veux, puis c'est ce que tu trouves cute. Hein? Donc, c'est des écouteurs avec des décorations de petits oiseaux attachés derrière l'écouteur. Donc, quand tu les mets, ben, tu as l'air de ça. Tu as l'air de la photo qu'on veut juste ou enlever de notre mémoire instantanément après l'avoir vue parce que c'est vraiment laid. moi, je trouve ça affreux. C'est disponible chez Maxiga pour 27$, mais juste pour dire que c'est peut-être la prochaine grosse mode à arriver, des écouteurs avec des jewels après. Oh non, yark. Dégueulasse. Si vous avez un gadget et qu'il n'est pas assez chargé, mais que vous avez avec vous votre grosse drill. Ben oui. Hein, ça arrive tout le temps. Combien de fois ça m'arrive à chaque jour? Il te faut le Power Eyesight. Tu branches l'appareil dans cette batterie-là qui va après ta drill et tu charges tes appareils par USB via ta drill. Ça coûte 18$ en précommande. Ça va être livré plus tard cette année quand t'as pas de prise de courant, mais qu'il te reste la batterie sur ta drill. Arrête. Ah, je sais pas, là. On dirait que je suis pas du genre à garder mon iPhone au même endroit que ma drill. Tu sais? On dirait qu'il y a un conflit d'intérêts, là. C'est tout de même. Non, ben d'accord avec toi. Par contre, celui-là, tu vas peut-être être plus d'accord du côté de son utilité. C'est le Monsieur Robotic Bartender. C'est un bartender intelligent électronique. Déjà, ça commence bien. Ça m'intéresse. Donc, vous n'avez plus besoin de chercher vos recettes à la place. Vous avez des options personnalisées à l'intérieur d'un même thème ou encore à votre propre goût. Il y a 12 profils uniques de boissons, chacun avec 25 cocktails donc programmés à l'intérieur de la machine. Et monsieur peut verser 150 drinks mélangés avant de devoir être rempli avec d'autres alcools. Ah. Donc, il y a un écran tactile pour sélectionner sa boisson. Si t'es trop occupé ou paresseux pour te lever, ton téléphone intelligent peut évidemment commander à distance. Et monsieur vous permet de surveiller vos préférences de boissons. Votre nombre de verres que vous avez bu, estimer votre taux d'alcool dans le sang. Il peut même vous aider à appeler un taxi Ça fonctionne par Android via Wi-Fi, Bluetooth et ça sait quand tu arrives à la maison. Donc vraiment, il détecte quand tu reviens à la maison. Il pourrait te faire ton drink préféré. Moi, je prends un scotch dry, mettons, en arrivant, ben il va te le faire. T'sais. Ben ouais, c'est pas un drink. Je suis dessus. Prends-le directement ton scotch dans la bouteille. Si tu le mets dans ton verre, il manque juste à ce qu'il vienne te le porter. Hey, je m'excuse là pour 4000$. Verse-toi les tout seul ton scotch, c'est juste ça. 4000$ là. Non, 4000$, il va me faire tout pour moi, mais voyons non. Comment? Hey, j'ai de la misère à croire qu'il y a des gens qui ont assez d'argent pour s'agresser au vidange, pour acheter un monsieur. Je vais m'acheter un monsieur en fin de semaine. Précommandez-le en ce moment, oui, tu l'as dit, 4000$. Maintenant, quand vous faites pousser des fruits et des légumes, mettons des légumes, plus dans l'exemple ici, par exemple des carottes. Il y a des fraises et des framboises. Bon, de la bonne bière, j'en ai bu. Ah ouais, je me rappelle. Donc, vous pouvez voir maintenant ce qui se passe sous la surface quand vous faites pousser vos légumes avec Root View Farm. Yeah. C'est vraiment le fun. Ça vient avec des petits paquets de graines pour carottes, radis et oignons. Tu plantes ça dans ton système qui ressemble un peu à une maison de fourmis, comme on a déjà vu souvent. Donc, c'est transparent à l'avant et les côtés sont évidemment solides. Et tu mets de la terre dedans, tu mets tes graines et ça va pousser. Tu vas les voir pousser. C'est vraiment le fun. Ça vient avec un light shield, donc un protecteur lumineux, si on veut, mais peut-être pas lumineux, de la lumière, si on veut, pour évidemment pouvoir pousser sans avoir regardé, parce que le soleil va pas nécessairement être bon pour être dans la terre. Le soleil est supposé être à l'extérieur de la terre en tant que tel, dans ces affaires. J'imagine. Donc voilà, vous pouvez acheter ça sur Internet. Sur Internet, évidemment, sur assemblagerequis.com. Évidemment, ça va être comme plus format collation, les petites carottes, il y a comme pas grand-place pour mettre grand-chose. Ça coûte 30$ chez Thing Geek. Mais je pense que c'est plus pour les enfants. Là. Tu ne fais pas un potager là-dedans. Pas tellement. Petite ferme vue sur la racine. Potager! Ah. Maintenant, rappelle-moi si on l'a déjà fait, celui-là. Je me rappelle pas. C'est le seul que je me rappelle pas si on l'a déjà fait. C'est un outil pour la cuisine. Quand vous avez plusieurs affaires à faire, mais que vous manquez de place dans vos tiroirs, c'est bien plate de se fermer le tiroir sur les doigts tellement qu'il y a des affaires dedans puis il faut que tu pèses pour le fermer. Trop de gadgets. Donc, c'est en forme de bouteille. C'est un multi-outil, si on veut. C'est comme le genre de couteau, genre canif de la cuisine. Ça s'appelle le All-in-One Kitchen Set. C'est vraiment cool. Donc, ça ressemble à une bouteille, mais chacun des compartiments est séparé. C'est 9 différents ustensiles, si on veut, de cuisine, en un seul contenant. Donc, t'as un... Attention, un truc pour squeezer des citrons. Là. Un presse-agrumes. Non, c'est pas un presse-agrumes, c'est un twist-agrumes. Qui te va m'aider sur chacun des termes. Un spice grater, donc pour faire des épices, genre pour le... Râper, genre. T'as un truc pour faire des œufs à la coque, des œufs à la coque. Donc, pour le mettre en dé. T'as un cheese grater, donc pour faire du fromage effiloché. Effiloché? Genre. Râpé. T'as un lid opener pour ouvrir les couvercles. T'as un séparateur de jaune d'œuf, OK? Et t'as une tasse à mesurer. Et t'as en plus, ils disent un vase pour les fleurs, parce que l'embout pourrait servir pour mettre des fleurs dedans. Ouais. Et t'as un funnel, le truc pour verser dans une bouteille qui a un peu plus petit bout que un tu... Un entonnoir. Un entonnoir, voilà. Aïe, c'est difficile. Hey, je vais être honnête avec toi, là. Tous ces trucs-là, je me sers jamais. Jamais de tout ça. Mais tu sais, déjà, pour râper le fromage, c'est tout petit, c'est rond, c'est en plastique. Oublie ça, ça fonctionne pas. C'est un peu cheap, ouais. Le truc pour twister les agrumes, ben ça va mieux avec un presse-agrumes qu'avec un truc pour twister. Puis les autres, ben c'est le genre de truc dont je me sers jamais. Là. Bon, ben tu pourras ne pas dépenser 40$ là-dessus. Non, probablement pas. Mais vu que c'est en forme de bouteille, c'est que t'as pas besoin de le mettre dans le tiroir, tu peux le mettre dans une armoire normale. Ça peut être pratique pour des gens qui... Qui ont pas de grands besoins, mettons. Si on veut. Genre moi, mettons. Le All-in-One Kitchen Set disponible au magasin MoMA. M-O-M-A. Pour 40$, c'est sur assemblagerequis.com. Ça t'est déjà arrivé, toi, de séparer un blanc d'un jaune d'œuf? Ben non, c'est bien que non. Ben c'est ça. C'est bien que j'ai jamais rien fait. Ça se fait direct dans la coquille, en plus. Oh, c'est gratis, in the cock. C'est gratis. Et pour terminer, Pour terminer, tiens, c'est un projecteur contrôlé par télécommande. Ça s'appelle Kicker et c'est une webcam aussi sur roue, donc ambulante. C'est vraiment très, très le fun. Donc, un système de divertissement à la maison. On peut le déménager, mais ça devient difficile. C'est, mettons, ton lecteur Blu-ray, toutes ces affaires-là. Il faut tout que tu tasses de pièce en pièce. Donc, c'est plate. Si tu veux projeter, mettons, quelque chose sur le mur, t'as ton petit projecteur qui est pogné tout en même place, mettons, c'est peut-être aussi. Donc, à la place, si t'avais ce Gugus-là, ce Kicker-là, tu pourrais vraiment l'amener où tu veux. Donc, tu peux l'amener dans ta chambre à coucher, par exemple, tu pourrais projeter une image à 360 degrés, par exemple, du ciel et des étoiles, mettons. Peut-être dans la chambre des enfants pour les endormir. Tu pourrais ensuite déménager le kicker, qui est vraiment tout, tout minuscule. Tu pourrais le mettre, mettons, dans ta chambre à coucher pour projeter, vu que c'est une webcam, tu pourrais avoir la webcam dans une chambre à coucher, puis avoir l'image ailleurs dans une autre pièce. Ça synchronise avec votre téléphone Android. Vous pouvez streamer de la musique dessus. Vous pouvez jouer à des jeux qui sont sur votre téléphone en le projetant sur le mur, sur le grand écran, si on veut. Ça prend un grand mur blanc. Oui, un grand mur blanc de préférence, sinon proche de blanc. Il y a des sensors dans la machine qui peuvent surveiller la température, l'humidité, les niveaux de CO2 et plus pour encore rajouter plus de sécurité. Donc, tout ça, évidemment, pour 4 000 $, on s'entend qu'ils rajoutent le plus d'options possible pour que ça ait l'air de valoir la peine. Mais c'est une webcam et un projecteur quand même assez petit. Hey, on le voit dans la vidéo, la grandeur. Le slogan, Transform Your World. Charrie pas, là. Je veux dire, ça va pas changer mon monde, là. Ouais, le modifier un petit peu, peut-être, là, mais. Ben. Pas un gros changement. Je pense pas que je m'en servirais tant que ça. Les étoiles au plafond, je trouve ça cool, mais je suis sûr qu'il y a des trucs moins chers qui projettent des étoiles au plafond. Ouais. C'est de la grande. Je sais pas de quelle grandeur, je dirais que c'est. Là, peut-être de la grandeur d'une poubelle, genre, dépendant de quelle poubelle vous avez. Mais j'ai comme rien qui ressemble à cette grandeur-là dans la vie. C'est un mini pouf. Ah, c'est quand même gros. Une petite table pour enfants. Mais c'est fait pour projeter donc par en haut. Donc, c'est quand je suis déçu. Cool. Ça avait été peut-être la grosseur d'un œuf. D'un œuf? Oui. OK. Ouais. T'aurais pu prendre la bouteille pour peut-être faire des dés d'œufs cuits. Non, c'est parce que ça a l'air d'un œuf. C'est vrai. Sauf quoi? Oui. Pas le chiffre, là? Non, non. Le légume. Le légume. Aïe, aïe. C'est là-dessus qu'on termine. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets complètement inutile. Je pense que cette semaine, on a battu des records en termes d'inutilité. Ah, mon Dieu. Ben oui, mais les Drunken... Drunken Donuts. Ouais, ça, ça a l'air utile. Tout ligné sur assemblagerequis.com. On passe notre commande après l'émission tout à l'heure. Pour l'instant, on prend une petite pause. On revient après ça avec le Zone Campus. Stéphanie Paradis qui va faire le survol du plus récent numéro. Mais pour l'instant, quelques messages. OK. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Nous revoilà à Assemblage requis, les Stéphanie Paradis et moi c'est Mathieu Plante, toujours l'émission matinale en pièces détachées. Quand je te vois bailler comme ça, je me dis, je vais dire mon propre nom. Ça. Merci. C'est par courtoisie. Mais bon, sachez que si vous baillez à la maison en ce moment, on est dans la même situation, tout le monde va bien, on se comprend, on a de l'empathie, de la compatie, de la sympathie. Hey, je sais pas ce qui se passe là, pour vrai, je sais pas. C'est pas ton matin, un peu comme JP tous les autres matins. Maintenant, on va parler du Zone Campus, c'est sérieux. Oui. Hein? C'est le journal Les étudiants de l'UQTR. On arrête de bailler maintenant. Non, je vais me retenir. Ouais. Je sais pas. Tu pourrais. On va jouer. On va Zone Campus. J'ai pas de bague à faire. Okay? C'est trop sérieux. C'est sérieux. C'est... Hey, Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Un peu de crédibilité quand même journalistique. Zone Campus, volume 9, numéro 10, qui vient de sortir hier, le 28 janvier, qui va être en kiosque jusqu'au 10... j'ai dit 28 janvier, c'est bien ça? Jusqu'au 10 février. On change de mois en cours de route, donc quand même. Ben oui, ça te mêle, ça. Ouais. Sur la couverture, on retrouve évidemment, c'est immanquable, le carnaval étudiant 2014. On dit que le froid n'aura pas nuit au plaisir. Et justement, c'est avec le carnaval qu'on commence le journal. Ben oui, en fait, on parle quand même beaucoup du carnaval dans ce numéro-là. Donc, premièrement, on parle un petit récapitulatif des un activités. Recap. Un recap. Recap, comme dirait JP. OK. Donc, on va faire un petit recap. Donc, cette année encore avait lieu le carnaval étudiant de l'UQTR du 20 au 23 janvier. Donc, l'édition 2014 sous le thème des jeux populaires des années 90 avait comme populaire slogan « Reste calme et embarque dans le jeu ». Chacune des associations participantes devait donc incarner le jeu qui lui avait été attribué lors du lancement. Donc, on nous parle des nouveautés cette année dans les activités. On parle aussi, on va un peu dans le makeover, là. Donc, être organisateur, qu'est-ce que ça implique? Donc, pour ceux qui seraient intéressés peut-être l'année prochaine à faire partie du comité organisateur, on nous montre un peu qu'est-ce que ça représente d'être organisateur. On nous parle aussi d'activités plus spécifiques dans un autre article. Donc, entre autres, le YOLO et le Cranium. Donc, la 26e édition du carnaval a réuni 24 associations étudiantes à travers différents rituels. Donc, même si la parade traditionnelle a marqué la première journée de cet événement, c'est YOLO et Cranium, entre autres, qui étaient à l'affiche dans la journée de clôture du carnaval. Et ça, on l'a dit, mais c'est deux affaires des années 2000 et 2010 qui sont dans un carnaval des années 90. Mais en fait, la thématique, c'est plus les jeux de notre enfance. Ouais. Donc, ça englobe quand même beaucoup de choses qui étaient populaires quand on était jeune, donc dans les années 90. Ouais. Le YOLO, qui était en fait le « Et tu game », qui est la fameuse phrase d'invitation pour les défis, dont on a eu plein de défis. C'est comme un cher Ivery qui a les mots de ma phrase. Donc, il y a eu plein de défis intéressants. Donc, si vous voulez connaître ces défis-là, ben allez consulter l'article. On a même plein de photos de ces défis-là. On a aussi le jeu Cranium qui s'est déroulé au 10-12 un peu plus tard dans la journée. Donc, c'était comme un Cranium géant avec tous les étudiants. Donc, très intéressant. Et finalement, on a eu des participants énergiques qui ont bravé le froid au bain de neige qui avaient comme nom cette année, la mère maléfique. Donc, très intéressant. Les zigotos. Référence aux zigotos. Okay. Moi, j'ai capoté sur les zigotos. Là. Oui. Tu sais-tu que je capote les zigotos? Oui, tu m'as dit ça, je pense. Oh oui. Mm. Oh oui. Donc, mais cette année, au bain de neige, il y a eu quand même des nouveautés. Donc, au lieu de seulement se rouler dans la neige et être noté là-dessus, il y avait différentes activités, si on veut, durant les sorties. Donc, le premier, il fallait qu'il parcourt un trajet délimité. Le deuxième, il devait ramasser le plus grand nombre de petits personnages en plastique là, cachés dans la neige. Des schtroumpfs, entre autres. Ben, je sais pas si c'était seulement des schtroumpfs, mais je sais qu'il y avait des points supplémentaires si on trouvait le grand schtroumpf. Et la troisième sortie, c'était un petit exercice dans le style Zumba. Donc, c'était bien intéressant pour faire changement avec le bain de neige cette année. Oui, et pour ceux que ça intéresse, juste à la prochaine page, à la page 4, il y a un gros montage photo du carnaval. C'est bien le fun, on a passé du temps là-dessus, fait qu'allez voir ça. On s'est forcé. C'est ça. Toujours en actualité, La belle-mère, qui est la chronique semi-hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, en tout cas, peu importe, de Sébastien F. Gertin. Oui, donc intitulé « La honte des histoires universitaires ». Donc, depuis plus d'un an, notre université est mise en scène sur la une du Nouvelliste. On devrait normalement se réjouir de cette visibilité dans les médias régionaux, mais ceux qui en connaissent les raisons sont loin d'avoir le cœur à la fête. C'est effectivement difficile d'apprécier quand le manque de professionnalisme des gestionnaires de son université rejaillit sur l'institution au complet. Ça frappe. Tu vois qu'il fait ses recherches, monsieur Gertin, donc on le suit aux deux semaines. Mais tu vois qu'il est déjà pas mal au courant de tout ce qui se passe, puis ça y fait du bien, là. Ah, je l'ai vu, il est venu t'en parler au bureau du prochain article qu'il va faire. Il est dedans, il est vraiment tout le temps dedans, on adore ça. Cool. Ensuite, on parle de l'École internationale de français, partenaire d'échange linguistique recherché. Mais oui, l'École internationale de français, donc l'EIF, qui est à la recherche de partenaires d'échange linguistique. Donc, les initiateurs de ce programme de jumelage veulent entremettre toutes les personnes souhaitant converser avec des locuteurs natifs, soit du français, de l'anglais, de l'espagnol, du mandarin ou du portugais. Donc, c'est une espèce d'immersion linguistique sur place. Donc, très intéressant pour mieux apprendre une autre langue. Et tu y travailles l'été, tu sais que c'est le fun, puis tu veux encourager les autres. L'EIF, c'est une belle organisation avec plein de beaux projets. Génial. Il y a évidemment tout plein d'autres articles en actualité. On va sauter au dernier pour cette section-là. On parle dans le portrait-reportage de Myriam Lortie de François-René Laure, directeur du service aux étudiants. Oui, François-René Laure. Oui, Mathieu, pas besoin de frapper pour rentrer chez moi. Non. Je sais pas si c'est lui qui disait ça ou c'est une belle citation d'une chanson. Donc, à travers mes reportages, là, moi, mais c'est Myriam qui parle, j'essaie de dresser un portrait sensible de ceux que je croise au-delà de leur fonction à l'UQTR. Toutefois, il m'est apparu que cette fois-ci, la vie personnelle et professionnelle de François-René Laure, en poste depuis mai 2013, était si intimement liée qu'il était difficile de les aborder séparément. Mais c'est qu'il a l'air tellement sympathique et il est sympathique en plus dans la vraie vie. Ah, mais pour vrai, moi, j'avais comme pas allumé que c'était lui, là, mais je sais que je l'ai déjà vu, puis tout le temps super fin avec tout le monde. Puis même sur sa photo, on a tellement le goût de se faire un câlin. Tellement. Pour vrai, si tu m'entends, là, François-René, je veux te faire un câlin. Ben, exactement. Et pareillement. Et Colin, le gars pourrait nous écouter facilement parce que vous savez qu'Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah, ben, mon Dieu. On passe en société maintenant. On va faire un petit tour de ça. Commençons avec Kevin Gaudreau et entre les deux pôles. Effectivement, Mathieu. Y a-t-il une clé pour accéder à l'humilité? Fort voyant! Non, ça c'est pour accéder la salle... Du trésor. La salle du trésor. J'étais comme plus sûr, j'allais dire la salle du cachot. Je crois que c'est la salle des trésors, mais bon, peu importe. Non, ça doit être du trésor. Pas sûr. Ça dépend. Les tigres, puis Félindra, c'est tout du trésor. Bref, trésor, Kevin Gaudreau. Tête de tigre. Donc, il y a des moments dans la vie où il est nécessaire de mettre de côté la quête de recherche d'avoir raison. En tant qu'étudiant, il peut vous sembler juste et nécessaire de devoir agir de manière à démontrer votre savoir à vos collègues. Convenez toutefois qu'à certaines occasions, il est souhaitable de faire preuve de modestie et de simplicité au risque de paraître comme un être rigide et désagréable aux yeux d'autrui. On poursuit avec Nicolas Gauthier et tout est bizarre. Hymne à la folie, Mathieu. Ben oui. Hymne à la folie. Parlons de la folie, voulez-vous? Let's talk about fly. Fly. I believe I can fly. Je ne parle pas de handicap mental ni de quelconque déficience observable. Je parle de folie. Plus particulièrement, parlons de ces troubles nerveux, de ces tics manifestes et de ces habitudes propres à chaque être vivant causées par les phénomènes de cette hallucination congénitale qu'est, à mes yeux, l'activité irradiante, continue de la conscience. Bref, nous sommes tous plus ou moins fous. Nommons cela comme un petit hymne à la folie. Ah, je suis bien d'accord. T'es fou, toi? Tout à fait, je m'assume complètement. Lily Brunet-Saint-Pierre, notre sympathique Lily Brunet-Saint-Pierre, qui va éventuellement être de retour à Assemblage Requis, je vous le promets, c'est à moi de juste y écrire. L'aplomb dans la tête et le nom de sa collègue, comme toujours. On remède au cynisme maladif, partie 1. Donc, le cynisme bachelier, c'était le nom de ma première chronique. Ça aurait peut-être dû être le nom permanent de ma session dans le zone campus qui finit trop souvent par un échappatoire à la frustration et à du sarcasme plus noir que blanc. On aime ça de même. Ben oui, on l'aime de même, notre Lily. Vraiment. Jean-François Veilleux maintenant et son texte « Je me souviens au pouvoir citoyen ». Effectivement, Mathieu, quand la majorité silencieuse se fait voler la parole. Donc, en juillet dernier, j'ai eu la chance de lire le deuxième livre de Philippe Bernier-Arcan intitulé « La dérive populiste ». Donc, au moment où virevolte dans l'air des rumeurs d'élections provinciales ce printemps, il est temps de vous parler de cet ouvrage très instructif. Effectivement, très instructif. J'ai appris beaucoup. Ah, ben, quand on va lire ça, on continue avec Normand Leclerc et « Changer la vie ». L'être humain est-il un homo sapiens? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pensais que c'était la science qui avait déterminé que c'était Homo sapiens, mais bon, j'imagine qu'il y avait d'autres choses que la science dans la vie. Hein? Donc, après avoir démontré, oh, quelle naïveté, dans mon premier article, que la foi appartient à l'étape de l'enfance pour définir l'être humain, il me faut la remplacer. En effet, une des premières lois fondamentales de mon cerveau est la loi de substitution. Cela signifie que la seule manière de me débarrasser d'une idée, c'est de la changer par une autre. Par quoi remplacer la religion dès l'Antiquité à l'Homo credulus chaldéen? Chaldéen, oui. Patrick d'Abraham, père des croyances, opposant l'homo sapiens des Grecs. Très intéressant, moi j'adore ça. Ça me fait beaucoup réfléchir et on sent vraiment la sagesse derrière le texte. On sent toute la sagesse de l'homme. Donc c'est toujours très passionnant d'avoir une autre vision comme ça. Et on termine avec Jean-Samuel Gay. On l'a reçu hier à l'émission avec sa collègue PRNDS, mais il nous parle entre autres de voitures, pas mal, de d'autres véhicules, des Ford F-150, il y a rien à faire, il y a des véhicules là-dedans. Est-ce qu'il vous a parlé que le Québec est le deuxième plus gros acheteur de véhicules neufs au Canada? Ouais. Ah ben. Ouais, fait que je m'en rappelle, c'était hier. Allez écouter, on fait l'émission d'hier mardi matin. Allez lire l'émission d'hier et écouter la chronique dans la zone campus. Exact, toutes les façons sont bonnes. Et toujours en société, ben, on termine avec les loisirs, entre autres le petit wiki illustré qui est l'illustration d'Alexandre Laramis Wiki. Avec un petit aperçu du carnaval. Et des jeux, sudoku, mots croisés et... la thématique astronomie dans le mot mystère. Ah, intéressant! Avant de passer aux arts et spectacles ainsi qu'au sport, on prend une petite pause musicale à peine pour aller entendre une nouvelle entrée du palmarès du PAM, quand même. J'ai accroché le journal avec mon journal. C'est une nouvelle entrée d'une formation du côté anglophone, c'est Sexy Mathematics. Voici The New Illusion. Après ça, on revient avec le reste du Zone Campus. Ouais! Ouais! Okay. Sexy Mathematics et The New Illusion. Toujours dans la chronique Zone Campus avec la rédactrice en chef Stéphanie Paradis. On était rendu en arrêt spectacle et on commence évidemment avec un retour sur le carnaval. Mais oui, on parle encore du carnaval parce qu'il y a eu des spectacles au carnaval. C'est quand même un gros événement. Donc, premièrement, on a eu le spectacle de Sexe Légal et de Dave Morgan. Donc, un humour tout en nuances. Le duo humoristique Sexe Illégal, formé de Paul Sexe, de Tony Légal et l'humoriste Dave Morgan, ont diverti la foule étudiante lors du carnaval le lundi 20 janvier dernier. Donc, une soirée frénétique qui a fait rire la salle comble. On nous dit aussi que je pense que c'est Dave Morgan qui a obtenu le plus grand succès. Donc, on nous dit que la foule était peut-être pas dans la bonne ambiance pour apprécier l'humour de Sexe Illégal. Ouais. Donc, malgré leur talent, je crois que... Et Félix-Antoine, j'allais l'appeler Fader, donc c'est Félix-Antoine, était aussi d'accord sur le fait que la foule, malheureusement, n'a pas pu apprécier ça à leur juste valeur. Non, c'est bien malheureux. Il y avait les trois accords aussi au spectacle du carnaval. Ben oui, donc tout le monde connaît le groupe Les Trois Accords qui opère un charme auprès des Québécois depuis un bon moment. Donc, mais les carnavaleux ont eu la chance de les avoir à eux seuls le temps d'une prestation au 10-12. Donc ça, c'était le mardi 21 janvier. Donc une recette parfaite pour soulever une salle comble d'étudiants. Donc je pense que ça, c'est beaucoup plus adapté. Pas mal plus, oui. Une gang de fêtards. Ah ouais, yeah. On se rend ensuite au Zénob, où la scène underground de Montréal a débarqué à Trois-Rivières. Mais où on avait le show de The Vast et de High Dials, donc que moi j'appelle, tu sais, sur le téléphone, là, Redial. Redial. J'appelle ça Redial, mais quand on est jeune, hein? On est naïf. Ben oui, donc, le café-bar Les Zénob recevait deux formations montréalaises, donc ça c'était le 17 janvier. The High Dials est une formation plus connue dans le monde de la musique émergente et indie rock anglophone. Il en va tout autrement pour les Montréalais de Vasse. Donc, par contre, ne laissez pas les apparences vous berner en ce qui concerne ce groupe méconnu, car leur talent est indéniable. Donc, on reparle un peu de leur projet et des surprises qu'on a eues durant la soirée. Ah! Ensuite, on va à la galerie d'art R3 pour voir l'exposition « Fragments d'identité ». Oui, vous avez jusqu'au au 31 janvier pour aller voir l'exposition à la galerie R3. Donc, c'est une exposition de Annie Lalande et de Sébastien Godette. Annie Lalande, dis donc, Macarena. Donc, c'est une rencontre impromptue entre ces deux artistes qui donne naissance à une exposition d'une grande sensibilité et à l'accent chromatique surprenant. Mm-hmm. Jimmy Hunt était à la salle Louis-Philippe Poisson avec son folk... Bloup bloup. Oui, son folk électrique. Jimmy Hunt et sa bande étaient de passage, c'était le 18 janvier dernier, à la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup bloup. De Trois-Rivières, afin de présenter son dernier album, Maladie d'amour. La soirée était intime et propice au voyage musical proposé par le chanteur montréalais. On nous dit que malgré des fois un certain hermétisme de sa musique, il a quand même su aller chercher son public avec certaines pièces. Magnifique. On va aller très rapidement sur les deux autres parce que Alexandra nous en a déjà parlé à sa chronique d'hier, mais les nouveautés de l'ONF... Ben oui, on nous parle des documentaires chocs et éclairants à l'affiche. Donc, pour un bref aperçu, vous pouvez toujours consulter cet article-là. Et elle nous a fait aussi une critique du film Dallas Buyers Club, dont elle avait parlé même avant que ça passe au tapis rouge. Oui. Donc, elle est allée le voir et nous en parle plus concrètement de ce qu'elle a vu dans ce film-là. Donc, très, très intéressant. Parfait. Ensuite, on passe au sport avec, encore une fois, et c'est dans chaque section, c'est normal, c'est le numéro pour ça. On revient sur le carnaval, là aussi. Mais oui, donc le froid ne met pas de barrière au sport extérieur. Comme c'est maintenant la tradition, le carnaval étudiant de l'UQTR adapte certains sports au plaisir de l'hiver pour que les associations étudiantes inscrites puissent y participer dans la neige. Alors que le thème était les jeux de notre enfance, l'organisation a choisi de faire revivre le fameux chien Toby afin qu'il prête son nom aux trois activités sportives classiques du carnaval. Donc, on a eu, entre autres, le soccer, l'ultimate frisbee et le volleyball pour Toby, mais quand même d'autres activités sportives comme le ballon chasseur, le défi S3, donc qui était ski, planche à neige et pétage de gueule. Snowblade. Il y en a-t-il encore du snowblade? Je sais pas. On dirait que c'est passé du télémarque, peut-être. C'est vrai. Moi, je me rappelle, j'étais très nostalgique par rapport au film Toby joue à l'extrême frisbee. Là, je me rappelle vraiment de ça. L'extrême frisbee. Je sais pas. Ensuite, évidemment, on a parlé avec Cindy tantôt, plutôt dans l'émission pour sa chronique Activer votre santé. Donc, on sort par le son. On va au volleyball. Les Patriotes ne sont pas invincibles. Mais non, malheureusement, ça allait bien depuis le début de la saison. Mais le tout premier match des Patriotes, troisième tournoi de la saison, les opposait à leur grande rivale de l'UQAM. La formation de l'UQTR a subi son premier revers en 9 rencontres cette saison. Dans un match qui s'est joué haut en émotion du début à la fin, la partie présentée à l'Université du Québec à Rimouski s'est terminée au 5e et ultime set par la marque 24-26, 25-17. Là, je vous épargne ça. Donc, c'était en faveur des citadins, malheureusement. Il y a eu beaucoup de difficultés à ce tournoi-là. Si vous voulez des scores un peu plus détaillés, allez terminer l'article. J'ai skippé. Moi, ça me dit rien. Là. Non, mais moi non plus. On passe en natation. Hein? Donc, la table est mise pour les championnats provinciaux, Mathieu. Mmh, exactement. La dernière compétition de natation de la saison du circuit universitaire a eu lieu le 17 janvier dernier au PEF de l'Université Laval. Plusieurs hommes de la formation des Patriotes ont connu d'excellents résultats, mais sont toujours à court de leur premier objectif, les standards du sport interuniversitaire canadien et un billet pour la compétition finale du 20 février prochain. Donc, déjà, c'est les championnats provinciaux qui s'en viennent. Donc, à surveiller. Et on boucle le journal et la section des sports avec le hockey. Ben oui, donc quand même plusieurs matchs. Premièrement, la formation de hockey des Patriotes qui disputait deux matchs à l'extérieur lors de la fin de semaine du 17 janvier. Le succès toujours de la partie. Et finalement, ils ont même fait un blanchissage signé Gélina, un gardien de but. Ça vaut la peine d'en parler quand tu laisses rien passer dans ta soirée. Donc, la formation de hockey des Patriotes a disputé deux matchs lors du dernier week-end de janvier. Donc, celle-ci est demeurée, encore une fois, invaincue. Donc, pour plus de détails, consultez le Zone Campus. Ben oui, qui est en kiosque du 28 janvier au 10 février 2014. C'est le volume 9, numéro 10. En une, on retrouve le Carnaval étudiant 2014. Donc, cherchez la couverture avec un gars habillé en léopard, je pense, son manteau. Hein? Oui, puis... Ah, bah, honnêtement, je sais pas, mais il y a des pantalons turquoise. C'est vrai! Le Zone Campus est disponible partout sur le campus de l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Merci Stéphanie Paradis. Oui, merci pour le fouet aussi. Merci Mathieu Plante. On fait ça aux deux semaines, les mercredis matins. Le fouet? Oui, aussi. Et la chronique Zone Campus. Ça va être tout pour Assemblage requis aussi. On se retrouve demain. Mais avant de parler de demain, parlons d'aujourd'hui. On remercie évidemment Alexandrine Pichessir. Ah ben oui. Sa bière. On l'a senti passer. Et voilà. Cindy Gilbert aussi. Toujours. Merci à elle pour activer votre santé. Demain à l'émission, François Landry va être là pour parler de politique avec nous dans son segment Logocratie 101, ou plutôt parler de politique à nous. on va essayer aussi de mieux vivre notre vie grâce à la chronique Les Instructions d'assemblage. Et Stéphanie Paradis, tu vas, si tout va bien, encore une fois, nous faire goûter quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu fais demain? Ben oui. Dans la bouffe de la semaine? Ben certainement. Pour bien terminer ça, c'est comme le week cap. J'ai tellement trouvé de choses que je sais plus ce que je vais présenter demain. Ah! Ben, j'ai hâte de voir la surprise. J'ai vraiment plein de trucs, là. C'est la bouffe de la semaine dans l'émission de demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. À 11h, évidemment, le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, c'est Hors Zone avec de la musique alternative à 13h. À 14h, Génie en liberté, actualité et information. Moi, je vais de retour à 16h avec Marie-Ève Picard pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est l'émission de Geekitude. À 17h, la dernière émission en rediffusion de La vie en mauve. Et puis après ça, on passe en rap. 18h, Rapologie et 20h, Galaxy Rap. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète. Wow! Assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission et balado diffusion. À demain, Stéphane. Bye, Mathieu. À demain. Oh, on a fini juste à temps. Si je l'avais pas dit, ça aurait été encore plus cute. J'aurais juste parti à la pub. Ouais, pas la pub. Okay.